feu brûle encore dans la nuit. Sur l'autel, il ne s'éteint pas. Même quand le monde s'endort, ta présence veille ici-bas. Chaque matin, le prêtre s'avance, il ôte les cendres, anime la flamme. Et dans le silence de l'obéissance, il garde vivant.